Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire, quelle différence ? Le statut de réfugié est accordé à différentes personnes. Voici les cas précis. Il s'agit de l'étranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, y compris pour des considérations liées au genre ou à l'orientation sexuelle, ou bien encore sur les opinions politiques. On parle alors d'asile conventionnel en référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le statut de réfugié peut également être accordé à un étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. Il peut s'agir par exemple de militants politiques ou syndicalistes, de journalistes, d'artistes ou d'intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. On parle ici d'asile constitutionnel. Enfin, le statut de réfugié peut être accordé à un étranger qui a obtenu dans son pays la protection du Haut Commissariat des Nations Unies, mais ne peut plus y rester. Ensuite, le second cas est la protection subsidiaire. Alors cette protection est quant à elle une autre forme de protection. Elle est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié et qui prouve malgré tout qu'il est exposé dans son pays à l'un des risques suivants. Ce peut être la peine de mort ou une exécution, bien encore la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, ou bien enfin lorsqu'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé, interne ou international. Enfin, il existe également la protection dite temporaire. Les personnes concernées sont les étrangers non européens qui fuient massivement leur pays ou leur région d'origine et qui ne peuvent pas y retourner, en raison notamment d'un conflit armé ou de violence ou parce qu'ils sont victimes de violations graves, encore une fois, et répétées des droits de l'homme. Ce dispositif exceptionnel et temporaire est autorisé par une décision du Conseil de l'Union européenne. La décision va définir les bénéficiaires et encore sa date d'entrée en vigueur. Le dispositif est décidé pour une période d'un an et peut être prolongé de 2 ans maximum. Le Conseil de l'Union européenne peut, bien entendu, à tout moment y mettre fin si la situation dans le pays d'origine permet un retour sûr et durable des personnes déplacées. Il y a un exemple. Si en sens, depuis le 1er mars 2022, les pays de l'Union européenne ont accordé le statut de protection temporaire aux Ukrainiens fuyant leur pays en guerre. C'est ce que prévoit la proposition de la Commission européenne discutée le 3 mars dernier et approuvée à l'occasion du Conseil des ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union européenne. Les ressortissants ukrainiens reçoivent donc l'autorisation provisoire de séjour qui leur permettra d'exercer une activité professionnelle pendant au moins 2 ans et qui sera certainement prolongée. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.